Animación completa. Ce soir, dans mon infinie bonté morbide, j'ai pensé à vous, amateurs de black metal. La programmation est entièrement consacrée à ce genre métallique. Et en plus d'être soucieux de votre plaisir mental, je suis aussi passablement brillant. Brillant parce que j'ai laissé tout le travail de la programmation de ce soir à mon ami et confrère, le célèbre Rockmaster. Donc, Rockmaster vous propose de 21h à 23h ses choix en matière de black. Et par la suite, de 23h à minuit, le docteur Régis Olry viendra nous entretenir de la nuit des Valpurgistes, cette célébration typiquement européenne qui se veut le moment durant lequel les sorcières et autres créatures des ténèbres sortent de leur tanière afin de prodiguer leurs maléfices. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et un Rockmaster qui se transforme en Black Master. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Go. Mother is screaming in pain. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en cette fin du mois d'avril, le 29 précisément, de l'an de disgrâce 2008. Je suis l'informe Dr. Pendragon et ce soir, j'ai le presque grand plaisir d'accueillir mon ami Rockmaster Alain Lefebvre. Bonsoir Alain. Et bonsoir mon ami. Comment allez-vous? Bah, très bien. J'en suis fort aise. Et tu dois me répondre, bien danser maintenant. Alain, ce soir, est parmi nous parce que nous avons une émission spéciale, bien sûr, mais aussi parce que ça me faisait plaisir de le recevoir. On essaie de faire ça quelques fois par année, d'abord et de l'autre. Mm-hmm. Et ce soir, Alain, tu nous présentais tes choix, en fait, de ce qui étaient les thèmes de tes émissions télévisées les plus écoutées. En fait, comme la croisière s'amuse, l'île fantastique, des choses comme ça, je crois. On a d'ailleurs entendu 4 thèmes d'émissions que je ne reconnaissais pas, là, mais... Mais non, en fait, bref, Alain, trêve de plaisanterie, tu nous proposes tes choix en matière de black metal, mais on parle là de ses origines, si on tout veut. Tout à fait. Les instigateurs du mouvement, aller jusqu'aux, disons, les derniers en lice. Tout à fait. Et je te laisse même l'ultime honneur de nous faire la présentation des 4 premiers. En fait, ce premier bloc, c'était vraiment les instigateurs, là, d'où provient le black metal à l'origine. On vient d'entendre Bathory. Pas vraiment un groupe. Projet musical de Quarton, ouais. Parce qu'il était seul à la barre. Il enregistrait des albums comme ça dans son garage. Et c'est des albums qui ont eu beaucoup d'influence, en particulier sur les musiciens scandinaves, les musiciens de black metal qui ont suivi. C'est l'instigateur aussi, pas juste du black metal, mais de ce qu'on appelle le Viking metal. Oui, oui, aussi. Donc, c'est son quatrième album. C'est un extrait de son quatrième album, Blood, Fire, Death. En 88, on a entendu The Golden Walls of Heaven. Et c'est le deuxième album là, qu'on pourrait classer dans le Viking metal, dans le cas de Bathory. Juste avant ça, on a entendu un autre groupe extrêmement influent, Celtic Frost, le groupe trio suisse. Avec, pour moi, c'est le meilleur album de Celtic Frost, c'est To Megatherion. Entièrement d'accord. Paru en 1985, on a entendu les pièces Innocence and Wrath et The Usurper. C'est vraiment un des groupes les plus originaux. Ils ont jeté les bases de ce qui a suivi par la suite, c'est-à-dire des espèces d'orchestration avec des corps français. Ce qu'on a maintenant avec la Demo Borgir et compagnie. C'est ça, exactement. Eh bien, Celtic Frost l'ont fait pour la première fois. Il y a 23 ans de ça, en 1985. Et au début du bloc, on a entendu vraiment le groupe qui a donné son nom au mouvement black metal, c'est-à-dire Venom, avec une pièce tirée de l'album Black Metal, leur deuxième album, paru en 81, Leave Me in Hell, groupe que moi j'ai toujours aimé, Venom. C'est un groupe caricatural, vraiment, mais c'est un groupe très intéressant. J'aime beaucoup la voix de Kronos. Qu'est-ce que c'est une voix, ça? Et je continue à aimer Venom. J'ai d'ailleurs même acheté le dernier album qu'ils ont sorti, Metal Black. Oui. Oui. On parlait de Celtic Frost il y a quelques instants. Probablement que les amateurs sont déjà au courant, mais Thomas Gabriel Fisher, alias Warrior, a quitté le groupe. Oui. Il est parti pour, je pense que c'était pas une très bonne idée. C'était une bonne idée, oui, de faire revivre le groupe pendant les quelques dernières années. Et pour les amateurs. L'album qui en est issu, qui est sorti l'an dernier, je crois. Il y a deux ans. Ouais, effectivement. C'était très bon. Ouais. C'était un bon album intéressant. Mais je pense que c'est dur de... Bon, en fait, on s'entend qu'à quelque part, c'était pas la formation originale, là. Mais c'est dur, quelque part, de faire revivre quelque chose qui est enterré depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et il a décidé que, je m'en vais, c'est fini. Bon. Just too bad. Peut-être que ça va être une nouvelle résurrection dans encore 20 ans, mais là, je pense que d'ici ce temps-là, on a le temps de se taper un peu. Ouais. Il est 21h22 minutes, et ce soir, Alain, à 23h, nous avons une prolongation, sans faire ici référence au sport national, on a une prolongation de 1 heure de réanimation pour recevoir un invité très spécial. Oui, en effet, monsieur Régis Solery, qui va venir parce que demain soir, ça va être la nuit de Valpurgis, qui est, on pourrait dire que c'est comme l'Halloween européen du nord de l'Europe. Venez nous parler en détail de ce que c'est, de ce que ça représente, la nuit de Valpurgis, qui est célébrée depuis des centaines d'années. Absolument, en Europe. Venez nous en parler, ça va être très intéressant. Certes, oui, parce qu'en plus de ça, notre invité est une sommité dans plusieurs trucs, mais entre autres, est une référence dans tout ce qui est légende, folklore et trucs un petit peu mystérieux, si on veut. Tout à fait. Donc, ça va être très, très intéressant. Mais d'ici ce temps-là, on a encore une grosse panoplie de programmation. Comme je l'ai dit en début d'émission, moi, j'ai décidé que je foutais rien ce soir. Le Rockmaster, le Blackmaster en l'occurrence ce soir, c'est tapé tout le travail. Donc, je lui laisse le plaisir de nous faire un petit teaser de ce qu'on va entendre. On va y aller avec un bloc des premiers instigateurs, je dirais, du black metal en Norvège, en Scandinavie. On va entendre Marduk, qui vient de Suède, ainsi que Dissection au cours de ce bloc. Mais tout de suite, on va poursuivre avec... C'est un des groupes les plus prestigieux en matière de black metal. Un groupe norvégien qui s'appelle Emperor. Mm-hmm. Ils ont eu une carrière, c'est pas le groupe le plus productif. Ils ont fait seulement 4 albums studio en carrière, mais c'est un des plus intéressants et influents du genre. Mm-hmm. Ben, allons-y de ça pas, n'est-ce pas? Oui. On va écouter les deux pièces qui ouvrent leur classique, c'est-à-dire l'album Anthems to the Welkins at Dusk de 1997. Let's go! Thank you. à lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, grève des professeurs. Le conflit se règle grâce à l'intervention des étudiants. Art, exposition, un 2-pour-1 à l'embuscade. Sport, Patriot Golf, l'équipe sous respirateur. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Bonjour, mon fils. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mon père, j'ai été encore infidèle cette semaine. Comment? Racontez-moi ça. C'est la faute de la barrique. À chaque fois que je vois là, il me présente une belle blonde, une belle rousse. Mais la dernière fois, c'est vraiment une noire qui m'a fait succomber. Ah, je vous comprends, mon fils. Même moi, je suis incapable de résister à leur bière, mais aussi leur fromage, leur terrine et leur bon pain qui me fait craquer. Donc, nous allons garder nos confidences entre nous et continuer d'y aller en silence. Au moins, si on ne va pas au paradis, eh bien, on sera allé à la barrique, à Trois-Rivières. La barrique, 4170, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Chaque semaine, C'est fou reçoit des caisses de nouveaux CD. Et chaque semaine, le poste d'écoute prend le temps de les écouter. Pour la première fois, en même temps que vous. Contrairement à d'autres radios, le poste d'écoute, c'est 3 heures de nouveautés et seulement des nouveautés. Le poste d'écoute, en direct les vendredis de 10h à 13h à C'est fou 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. 21h48, l'heure la plus grave de la journée. C'est faux parce qu'habituellement je dis que c'est 21h58. Bref, Rockmaster, qu'avons-nous subi à l'instant? On vient d'entendre trois des plus anciennes, des plus vénérables et des plus influentes formations de black metal scandinave. On vient d'entendre Marduk qui viennent de la Suède. On a entendu la pièce qui ouvre leur album Those of the Unlight de 1993. C'est pas mal leur album classique, cet album. On a entendu la pièce Darkness Breeds Immortality. Juste avant ça, on a entendu deux pièces d'une autre formation de la Suède, Dissection. On a entendu des pièces At the Fathomless Death et Night's Blood, qui ouvrent leur deuxième album, Storm of the Light's Bane, de 1995. Dissection, il n'est pas arrivé quelque chose de dramatique, justement, avec... Oui, mais en fait, ils ont eu le temps de faire trois albums studio Dissection. Ils ont fait les deux premiers albums qui sont très influents. Et le guitariste John Notvaid fait un meurtre. Ah oui, c'est ça. Il s'est retrouvé en prison pendant au moins une dizaine d'années. Quand il est sorti de prison, il a enregistré un album qui est bon. Le troisième, Dissection, qui sonne un peu old school, mais qui est très bon. Et, faut pas retrouver pendu. Ils ont entrepris une tournée en Europe. Ils devaient venir en Amérique du Nord, mais à cause de ses antécédents judiciaires, on lui a refusé l'entrée des États-Unis. Et, il essayait de se suicider. Il trouvait que, il avait fait tout ce qu'il avait à faire dans la vie. Alors, il essayait de se suicider. Façon de voir les choses un peu extrémistes. Et, il écrit une lettre à son père, assez étrange, dans laquelle il disait, je m'en vais en Transylvanie pour longtemps et au revoir. Et bizarre. Au moins, il pensait pas pouvoir aller au Valhalla, lui, mais bon. Et là, ça se corse, hein, parce que là, j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller avec ça. Oui, on a entendu la formation norvégienne extrêmement influente, Emperor, avec les deux pièces qui ouvrent leur deuxième album, deuxième vrai album, Anthem to the Wilkins at Dusk, de 1997, c'est-à-dire les pièces Alsvartir, The Hove et Ye Entrens Imperium. OK, j'ai rien dit, c'était bien débrouillé. Tu vois, moi, quand, à l'occasion, je retire des pièces pour une mention de cet album-là, j'essaie d'éviter ces deux-là, pour pas avoir à les nommer. tout ça, c'est une décision. Effectivement. On va parler un petit peu de côté spectacle qui s'en viennent dans la région. Trois-Rivières Metal nous propose, si je ne m'abuse, jeudi le 8 mai, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ben oui. Jeudi le 8 mai, la semaine prochaine, au Nord-Ouest Café, c'est le lancement officiel du DVD de Martyr qui s'intitule Havoc in Quebec City. Donc, ils seront au Nord-Ouest Café, en compagnie de la formation Sénate. Donc, Patrice Hamelin, qui est le drummer des deux formations, va probablement avoir... grosse soirée. Oui, effectivement. Peut-être même un petit peu raqué le lendemain. Donc, c'est à 20h... Et il en coûte 10$, c'est 18 ans et plus, mais vous avez l'option d'avoir les spéciales 2 pour 1, c'est-à-dire entrée et DVD pour 20$. Bon, donc, vous le jugez avec vos mathématiques que vous aurez acquéries au cours des dernières années. Vendredi le 9 mai, au Rock Café Le Stage, mon oncle Serge et les accommodements raisonnables. Ce silence en vous dire. Bon, donc, c'est à 21h, les portes ouvrent à 20h, c'est pour tous, la coûte 15$, les billets sont en vente chez Musique Daniel Côté à Trois-Rivières, chez Inking Tattoo à Trois-Rivières toujours, et Musigo à Shawinigan. Mononc Serge et les accolements raisonnables sera encore et récidive au Rock Café Le Stage le lendemain, soit samedi le 10 mai. C'est le même Pataclan, 21h, porte à 20h pour tous, 15$, les billets aux mêmes ventes de Musée Daniel Côté, Inking Tattoo et Musigo. Ça nous mène au lundi 12 mai, Estuary, avec Jack Owen, qui est un membre de, qui est passé à la Cannibal Corpse Deicide, formation de Cincinnati, seront avec Garphobia, Lapidate et Soul of Ignorance au Café Le Stage, lundi le 22 mai à 20h. Il en coûte 7$. Et c'est pour tous. Puis là, je pourrais en avoir encore pendant un bon 7-8 jours, là, mais je vais prendre une pause jusqu'à la prochaine fois. Ceci étant dit, le Black Master de ce soir, encore du stock à nous proposer. Puis je pense que là, on va commencer à tomber dans des choses de plus en plus massacrantes, n'est-ce pas? Ben, disons un peu plus extrêmes. On va rester dans la Scandinavie. On va entendre un autre des groupes pionniers, précurseurs. Pas précurseurs, mais pionniers du Black en Scandinavie. On parle de Mayhem. On va entendre Dimmu Borgir aussi, qui sont un peu... qui sont arrivés avec l'aspect symphonique. Les grandioses, dans le black. Et tout de suite, on va poursuivre avec une formation finlandaise assez connue. Ils ont quand même pas mal d'albums, cette formation-là. Ils existent depuis 1990. Je parle de Impaled Nazarene. On va entendre une pièce tirée de l'album Nihil de 2000 sur lequel jouait Alexis Leo. Alexis Leo a joué avec Impaled Nazarene. C'est intense comme formation. Oui. It's a two to go. We'll be right back. Samedi 3 mai, Radio Radio débarque à l'Embuscade. Dès 21h30, joignez-vous au party de Radio Radio. Billets à la porte, seulement 5$. Radio Radio à l'Embuscade, un spectacle à ne pas manquer. 1571 rue Badeau, Trois-Rivières. Rap Hydroponique vous offre ses spéciaux pour le mois d'avril seulement. Granules à dissolution lente, Heavy Harvest, 20 kg, seulement 74,95. 3 phases disponibles. Le Pro Mix Ballot 107 litres, 18,95 $, grade professionnel. Jiffy 2 pouces, 74,95 $, boîte de 1000. Jiffy Medium, 129,95 $, boîte de 2000. Jiffy Petit, 95,95 $, boîte de 1700. Jiffy de coco, 74,95 $, boîte de 1000. À noter que pour les produits Jiffy, la taxe est incluse. Rap Hydroponique, l'inventaire le plus imposant en Mauricie et offrant les meilleurs prix garantis. Si vous avez des problèmes ou des questions, Rap a la solution. Rap Hydroponique, 326 rue Vachon, secteur Cap de la Madeleine. Rap Hydro, souvent imité, jamais égalé. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, puis là, j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique puis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. C'est fou dans tes oreilles, c'est fou dans vos oreilles, c'est fou dans tes oreilles. 89-1-1. Anyway. 22h15. C'est la plus belle heure de la journée. Bon, je vais dire ça toutes les heures. Vous êtes toujours à l'antenne de réanimation, Cifou 89.1 FM, votre radio campus de Trois-Rivières. Je suis l'informe Dr. Pendragon. Et bien sûr, le Rock Black Master est avec moi. Eh oui. On vient d'entendre, un petit bloc assez mélodique. On vient d'entendre Dimmu Borgir. Assez mélodique. Pas du black, évidemment. Ah, ok, okay. Ce qu'on a entendu, c'est Morning Palace. Ça, c'est la pièce qui ouvre leur album Enthroned Darkness Triumphant, paru en 1997. Moi, je les ai connus, Dimmu Borgir, il y a 10 ans, avec un EP. Qui s'appelle Godless Savage Garden. Oui, c'est vrai. Et par la suite, les autres, je les ai connus à rebours. Mm-hmm. Et moi, je trouve que cet album-là, Darkness, Enthroned Darkness Triumphant plutôt, c'est pas mal le meilleur de la première période de Dimmu Borgir. C'est drôle que ces groupes-là aient des périodes. Hein? Effectivement, ouais. Les groupes black metal ont souvent des périodes qui sont très sélectives, là, qui se coupent au couteau là, dans la discographie. C'est effectivement le cas aussi d'Amo Boyer. Juste avant ça, on a entendu des vétérans, des pionniers du moins black metal en Norvège. Je parle de Mayhem. On a entendu la pièce Rape Humanity with Pride. C'est tiré de leur troisième album, Chimera, qui est paru en 2004. Ils ont pas beaucoup d'albums, hein, Mayhem. Ils en ont quatre seulement. C'est assez. C'est un groupe qui sont tous différents. J'ai pas entendu le dernier album, par exemple. Je connais seulement les trois premiers. Ouais. Mais les trois sont très, très, très différents. Le premier, c'est vraiment du black metal typique. Ouais, exactement. Des pionniers et des bizarres aussi. Oui. Le deuxième, c'est une espèce de mélange électronique et de black. On dirait, je sais pas, un peu comme si Nine Inch Nails se mettait à faire du black metal. Moi, j'ai pas aimé du tout le deuxième. Mais Nine Inch Nails, c'est un groupe black metal, voyons. Par contre, le troisième, Chimera, j'aime bien cet album, Chimera, qui est paru il y a 4 ans. Ben, coudonc, c'est assez mélodique, oui. Mon cher Alain. Surtout la première pièce du bloc, hein, Impaled Nazarene, qui est une formation, c'est un quintet finlandais, qui existe depuis assez longtemps, hein, 1990, Impaled Nazarene. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce qui ouvre l'album Nihil de 2000, Cogito Ergo Sum. Et sur cet album-là, ce qui est particulier, c'est qu'on retrouve Alexis Leo, qui faisait partie, qui a fait partie de Impaled Nazarene à cette époque-là. Eh bien, on va continuer sûrement dans une autre vague de mélodies, je présume, dans quelques instants. Mais juste avant, je dois vous rappeler, pour les amateurs de musique bizarre, justement, que Nightwish seront... Je trouve ça bizarre, Nightwish. Ben, je trouve ça bizarre d'aimer ça, malgré. Nightwish seront au Centre des Foires de Québec le vendredi 9 mai prochain, donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Avec Iced Earth en première partie. Avec Iced Earth et ça, Sonic. C'est un bon groupe de power metal, par exemple. Iced Earth. Oh, si tu dis. En compagnie de Sonic Syndicate, donc Nightwish, Iced Earth, Sonic Syndicate, le vendredi 9 mai à 19h30. Au Centre des Foires, il en coûte $40 et $45 plus taxes. Il passe VIP au montant de $80 plus taxes. C'est pour tous. C'est disponible via Billettech. Est-ce que tu es un amateur de Arch Enemy? Oui, tout à fait. Et je vais sûrement aller les voir en concert. Bon, ça vaut même pas la peine d'en parler. Bon. Donc, Arch Enemy avec Dark Tranquility, Divine Heresy et Firewind seront au Medley, mardi le 13 mai prochain dès 19h. C'est dans 2 semaines, exactement. Exactement. Ben, jour pour jour et pas heure pour heure, par contre. Ben, quoi que pas tant. Ouais. Bon, ça, c'est le fun quand le screensaver embarque demain. OK. Donc, je disais que c'était au Medley le 13 mai à 19h. Il en coûte 30 et 56 et 35 et 43 plus taxes. C'est pour tous. C'est disponible via Ticket Pro. Et le lendemain, le 14, soit le mercredi, ils seront à l'Impérial de Québec avec le même line-up. Ils sont par le 35 et 40 $ plus taxes, petit tac touc. Et c'est disponible via, ben, tu me déstabilises, là, via Billettech. Et une formation que nous aimons beaucoup tous les deux sera de retour à Montréal au Medley. Il s'agit de Hopeth. Et ça aussi, je vais sûrement assister au spectacle. Écoute, The Runner's Tape, ça, c'est vraiment un bon album live. Ouais, tout à fait. Puis ça me donne le goût de voir ils ça. Ils sont live. Tous bons, les albums de Hopeth. Tous. Ben, moi, je les aime tous, hein. Oui. Je les aime tous. C'est très partagé comme opinion,、mm-hmm. mais je les aime tous. Oh oui. Ils ont tous un petit quelque chose. Même le premier Orchid est excellent. Et ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Faudrait que je réécoute ça. Donc, Hopper sera en compagnie de Tree. Tree, oui. Que je ne connais pas. Ben, ça, c'est un groupe de, on dit métal progressif, mais plus, je dirais rock alternatif progressif. D'accord. Et c'est pas mauvais. Death March, que je ne connais pas non plus. Je connais pas Death March. Bon, c'est peut-être une formation locale, on sait pas. Donc, c'est au Medley, c'est vendredi le 23 mai à 20h. Et il en coûtera 25 et 69 et 30 et 56. Plus taxes,、mm-hmm. et non plus tous. C'est via, pour tous, c'est disponible via Ticket Pro. Cataclysm, ça, c'est dans le très hot en ce qui me concerne. Samedi le 7 juin, c'est rendu loin, mais je peux vous le dire, ils seront au Medley, Cataclysm, et le lendemain, le 8, ils seront à l'Impérial de Québec. On en donnera des détails dans des semaines et à venir. Est-ce que c'est dans le cadre de la tournée d'un nouvel album, ça? Le lancement de l'album Prevail. Ils seront, ah ben, ils seront avec Marty, entre autres. Ah, ouais. Martyr, Augury et groupe invité. Drôle, hein, groupe invité. Moi, c'est plusieurs groupes qui s'appellent comme ça, mais bon. Donc, Cataclysm, j'ai hâte d'entendre le nouvel album. Je l'ai pas entendu encore. J'imagine que si je me fie minimalement aux trois derniers, ça risque d'être très, très fort. Mm-hmm. Mon cher Rockmaster, il est 10h21. Et puis là, on va aller faire un tour du côté de la France. Ouais, mais en fait, on va laisser un peu la Scandinavie. On va aussi aller en Grèce avec Rotting Christ. Mais là, on va y aller avec... ça, c'est probablement le bloc le plus le plus mélodique de la soirée. Ouais, sarcastiquement parlant. Non, non, c'est vraiment le bloc le plus mélodique de la soirée. On va y aller avec Aneroxia Nervosa. Ça, c'est un groupe français. On va y aller avec la pièce Le Châtiment de la Rose, tirée de leur deuxième album, New Obscurantist Order, paru en 2001. Let's go!

Les mélodies. Toujours les mélodies. Le Rockmaster, ce n'est que de la mélodie, mais, disons, dans sa petite tête à lui. Non, c'était très mélodique, Enslaved, allez. Écoute, c'est un de mes groupes préférés, Enslaved. Vraiment. Je les ai vus en spectacle la première fois, l'automne dernier. Ils sont hallucinants en spectacle. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce Happy Vat, tirée de leur dernier album en date, Rune, qui il date déjà de 2 ans, hein, de sortie en 2006. Ça va très vite. Ils ont 9 albums, Enslaved. C'est un autre groupe qui a beaucoup évolué avec le temps. Les derniers albums sont vraiment plus progressifs. Les premiers étaient typiquement black metal, défonce, blast beat. Mm-hmm. Ils sont relativement pas mal tous bons, les albums d'Enslaved, mais évidemment, il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Il faut toujours avoir une très grande ouverture d'esprit quand on parle de musique. Et oui, exactement. Et encore plus quand on parle de black metal. Ben, ils viennent de où déjà, Enslaved? C'est des Norvégiens. Norvégiens. Oui. Et c'est un des rares groupes qui, de black metal qui n'est pas satanique. Ils ont des thèmes. Ils sont dyslexiques. Ils ont des thèmes. Vraiment sur la mythologie viking nordique. Un petit peu comme Hemor Lemareth font. Oui. Juste avant ça, on a entendu une formation de la Grèce, Rotting Christ, avec Nemeshik, pièce tirée de leur dernier album, excellent album, Théogonia, sorti en 2007. C'est vraiment un très, très, très, très bon album. Et ce qui est incroyable, c'est que Rotting Christ sont venus ici même, à Cap de la Madeleine, l'automne dernier. Je les ai manqués, j'étais malade, j'ai manqué le spectacle. Eh oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont venus au stage, et comme, bon, regarde, ça arrive une fois dans une vie qu'il y a une anomalie qui est à notre avantage se produit, mais ça s'est fait là. Et j'ai manqué ça. Au début du bloc, on a entendu Anorexia Nervosa. Ça, c'est une formation française. On a entendu la pièce Châtiment de la Rose. C'est tiré de leur troisième album, New Obscurantist Order. Il s'est paru en 2001. C'est assez symphonique, Anorexia Nervosa. Assez weird aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh bien, ça nous mène déjà à 22h42 minutes. Écoute, Alain, dans 18 minutes, notre invité va être avec nous. Oui. Et puis, on va pouvoir discuter de choses qui sont étranges. Mais en attendant tout ça, on a tellement de choses à passer qu'on devrait commencer à continuer tout de suite. Oui. Écoute, on va aller écouter tout de suite probablement le groupe le plus extrême de la soirée, la pièce la plus extrême de la soirée. Il s'agit d'une formation norvégienne, Barknager. On va entendre la pièce Wintersvresdet. C'est la pièce qui ouvre. Je vais ouvrir l'exprès pour te faire répéter tout ça. L'album éponyme de Barknager, c'est paru en 96. Écoutez ça. Maintenant, go! Bobby and the night. It's up to you, mon cher. On vient d'entendre Fintroll avec la pièce Photosagen qu'on retrouve sur leur deuxième album, Jacked in Tids, qui est paru en 2001. Juste avant ça, on a entendu une formation norvégienne, Keep of Callison, avec Winged Watcher. C'est tiré de leur dernier album, Armada, qui est paru en 2006. Ils ont un nouvel album qui devrait paraître sous peu, dans quelques semaines. Et au début du blog, on a entendu ce qui est la formation la plus extrême qu'on a entendu ce soir, Borknagar, avec la pièce Wintervredets Slegenslagen. C'est tiré de leur premier album éponyme, paru en 1996. Bien, pratiquement 23h, il nous reste une dernière pièce, Alain. Oui, on va y aller avec un des maîtres du genre, c'est-à-dire l'ancien chanteur, leader de Emperor, Eason, qui fait maintenant carrière solo. Il a sorti un excellent album dans le genre, paru en 2006. Album quasiment de rock progressif qui s'appelle The Adversary. On va entendre la pièce Called by the Fire. Écoute ça, on va en pause publicitaire et tout de suite après notre invité, M. Régis Ollery. The sky Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Chaque semaine, C'est Fou reçoit des caisses de nouveaux CD. Et chaque semaine, le poste d'écoute prend le temps de les écouter. Pour la première fois, en même temps que vous. Contrairement à d'autres radios, le poste d'écoute, c'est 3 heures de nouveautés et seulement des nouveautés. Le poste d'écoute, en direct les vendredis de 10h à 13h à C'est Fou 89.1 FM. Mercredi 7 mai, le Rockabilly des Mal-Léchés débarque à l'Embuscade. Dès 21h30, joignez-vous au Rock des Mal-Léchés. Billets à la porte seulement 5$. Les Mal-Léchés à l'Embuscade, un spectacle à ne pas manquer. 1571 rue Badeau, Trois-Rivières. Rap Hydroponique vous offre ses spéciaux pour le mois d'avril seulement. Granules à dissolution lente, Heavy Harvest, 20 kg, seulement 74,95. 3 phases disponibles. Le Pro Mix Ballot 107 litres, 18,95 $, grade professionnel. Jiffy 2 pouces, 74,95 $, boîte de 1000. Jiffy Medium, 129,95 $, boîte de 2000. Jiffy Petit, 95,95 $, boîte de 1700. Jiffy de coco, 74,95 $, boîte de 1000. À noter que pour les produits Jiffy, la taxe est incluse. Rap Hydroponique, l'inventaire le plus imposant en Mauricie et offrant les meilleurs prix garantis. Si vous avez des problèmes ou des questions, Rap a la solution. Rap Hydroponique, 326 rue Vachon, secteur 4 de la Madeleine. Rap Hydro, souvent imité, jamais égalé. Au cifou.ca, partout sur la planète. Ce deuxième volet qui débute à l'instant avec un 7 ou 8 minutes de retard, bien sûr, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, est consacré à, je pourrais dire une tradition très ancienne qui remonte au Moyen-Âge, du côté européen, qui se veut un peu être possiblement le penchant de ce qui est notre Halloween ici. Je crois, Alain, que je ne me trompe pas en le disant. Et pour ce faire, pour nous expliquer bien les choses, nous expliquer de quoi il en est exactement, on a un invité que, en fait, sans fausse modestie, qui est un invité de marque, qui est monsieur, en fait, c'est le docteur Régis Hollery, qui est un, j'oserais facilement dire, mon cher Régis, un maître à penser, une sommité dans ce genre de, d'incursion dans le monde qui est mystérieux de tout ce qui est légende du monde et compagnie. Régis, en premier lieu, je vous souhaite une bienvenue à cette émission de réanimation. C'est une première pour vous. À cette heure-ci, oui. À cette heure-ci, oui, effectivement. À 23h, c'est une première. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Mais c'est bien gentil de m'accueillir. La nuit des Valpurgistes. Comme ça, là, c'est quoi exactement ça? À la base, la nuit de Valpurgis, c'est une date. C'est la nuit du 30 avril, au 1er mai. Okay. C'est une tradition qui remonte effectivement au à peu près 8e siècle de notre ère. Mm-hmm. Et une tradition qui, en fait, est un, comment pourrait-on dire, une énorme méprise historique, puisqu'on associe la nuit de Valpurgis à une nuit, comme disait Roland Villeneuve, où tous les démons sont libérés de leur chaîne, okay. Alors que Valpurgis, c'est le nom d'une sainte. Ah oui. C'est le nom d'une sainte d'origine anglaise. On pourra dire un petit mot de sa vie tout à l'heure, parce que c'est quand même le nom qu'elle a donné à cela. Donc c'est comme un petit peu paradoxal, là. On a mélangé un peu toutes sortes de choses. On fête une sainte et ça devient une fête païenne. C'est un peu ça aussi qui, okay, fait, la, ouais. qui fait l'intérêt de cette journée un peu particulière. Comme vous le disiez, plus européenne peut-être que nord-américaine. Ben, en fait, du moins, pour le moins, moins connue ici. Oui, probablement, oui. Oui. Mais quand on dit le nom d'une sainte, qu'est-ce qui a fait qu'on a comme déporté ça un peu vers ce qui est aujourd'hui, là, en fait, la signification de ce que ça représente, là? Ah, c'est tout un mélange, si je puis dire. Sainte Valpurge, c'était une religieuse anglaise, okay. Qui était de l'ordre des bénédictins et qui est née dans le Sussex vers 710. On n'est pas sûr de la date. Donc elle a pris voile en Angleterre et elle a été appelée en Allemagne par Saint Boniface. Elle s'est rendue dans une ville de l'Allemagne qui s'appelle Heidenheim, où il y avait un monastère qui avait été fondé par un de ses frères, Sainte Valpurge. Elle a dirigé ce monastère et elle est morte un 25 février 779. Et d'ailleurs, dans le calendrier, Sainte Valpurgis, c'est le 25 février, c'est pas le 30 avril. Ok, ouais. Donc elle est morte et ses reliques ont été transférées dans une ville qui s'appelle Eichstätt un 1er mai. Okay. Alors en fait, on fête par la nuit du 30 au 1er, on fête ni sa naissance ni sa mort, mais plus précisément le transfert de ses reliques. Et si ces reliques sont restées dans l'histoire, là, c'est parce qu'il s'en est coulé un liquide qui était censé guérir de beaucoup de maladies. Un peu comme, on parle de liquide, c'est un peu comme le suintage des icônes ou... C'est ça, oui, c'est ça. Ce qu'on appelait aussi... En sorcellerie plus noire, disons, ce qu'on appelait la graisse de cadavre ou la dipocire, c'est-à-dire ce qu'on allait chercher dans les tombes en raclant les couvercles et les planchers de cercueil pour en faire des onguents, des mixtures, toutes sortes d'affaires. Uh-huh. Et elle, bon, bah, c'était entre guillemets de la magie blanche, puisque ce qu'il en sortait comme liquide guérissait de toutes sortes de maux comme l'épilepsie et autres. Donc c'est pour ça qu'en fait, le 1er mai, en fait, Sainte Valpurge, c'est ça. Pourquoi c'est devenu quelque chose de païen? C'est parce qu'on a mélangé la fête d'une sainte avec d'autres fêtes, soit celles qui commémorent l'arrivée du printemps, et dès l'instant où dans un calendrier on commémore des événements qui ne sont pas de nature religieuse, c'était considéré comme des fêtes païennes. Ben, on ne pouvait pas fêter l'arrivée de l'été. Non, c'est pas une fête tout confondu là. C'est ça. Donc l'arrivée du printemps, fêter ça, c'est une fête païenne. En plus, les sabbats de sorcières, traditionnellement, il y en a quatre essentiellement dans l'année. Il y a le 2 février, il y a le 30 avril, qui en est donc un, qui est le plus important. Il y a le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, mais ça n'a rien à voir. Et le 31 octobre, mais qui juste ramène à l'Halloween. Donc les quatre dit que, sabbats, les voilà. Quand on dit le plus important, pourquoi le 30 avril est le plus important des sabbats? On sait probablement, et là bien sûr c'est que des hypothèses, parce que d'une part ça remonte à loin quand même tout ça, et en plus les informations dont on dispose, soit c'était des aveux spontanés faits par des gens à la limite de la psychiatrie, on pense à Sœur Jeanne des Anges à Loudun en 1634, qui en fait est une hystérique, rien de plus et rien de moins. Ou alors c'est des informations qu'on a, mais obtenues sous les procédures de la Sainte Inquisition. Ce qui n'a pas beaucoup plus de crédibilité comme de révélation. Ce qui fait qu'il y a un flou quand même majeur là-dedans. Ce qui semble probable quand même, ce qui paraît très logique, c'est que celle de Valpurgis, donc du 30 avril, c'est le début du printemps. Le début du printemps, c'est le symbole d'un renouveau de beaucoup de choses. Oui. Donc c'est probablement une manière aussi de réunir beaucoup de gens. On réunit plus facilement les gens au printemps qu'en plein hiver. Effectivement. Donc le sabbat du 30 avril était... peut-être pour ça, plus important que les autres. Mmh. OK. Donc, si on récapitule brièvement ce qui vient d'être transmis comme information de votre part, il y a eu une espèce de déformation, si on veut, là. Ben, il y a un malentendu, effectivement. Bon. Sainte Valpurge, la pauvre, entre guillemets, paix à ses cendres, n'a rien à voir avec la nuit de Valpurgis, telle qu'on l'a définie. Elle était là au mauvais moment, quoi, peut-on dire. On parle d'origine qui est européenne, on a parlé de l'Allemagne, bon, on aurait parlé de ce qui était le pas repatriement, mais bref, de ses reliques, et ainsi de suite. Donc, c'est originellement, c'est typiquement allemand, si on veut, là. À la base, oui. C'est très, et encore, c'est très germanophone, même encore aujourd'hui. L'Allemagne, évidemment, mais aussi la Suède. La Finlande sont des pays qui fêtent beaucoup la nuit de Valpurgis. Mais à la base, c'est allemand. Mais moi, la question que j'ai présentement, c'est, on va faire un espèce de parallèle avec nous ici au Québec. On a notre fameuse Saint-Jean-Baptiste, qu'on a tous les 24 juin, qui est une fête typiquement québécoise, qu'on verra pas se fêter en Ontario, qu'on verra pas se fêter dans les provinces maritimes. Mais qu'est-ce qui a fait que celle-là, qui était typiquement allemande initialement, s'est vue comme s'étendre au pays scandinave et ainsi de suite. C'est probablement par voie, je dirais, linguistique et étymologique, puisque le suédois est une langue qui dérive un peu de l'allemand. Donc c'est probablement par là. Mais c'est vrai que le centre, le vrai, l'épicentre, c'est près de Göttingen, une grande ville d'Allemagne. Il y a près de Göttingen une montagne, une région montagneuse qui s'appelle le Harz. Et dans cette région montagneuse, il y a un sommet qu'on appelle le Brocken ou le Blocksberg. C'est le sommet, c'est pas très haut, 1142 mètres. C'est pas les Alpes, c'est pas le Mont Blanc, mais enfin, c'est le sommet quand même de cette région-là. Et c'est là que se font les plus grosses célébrations de la nuit de Valpurgis. Et il y a des raisons à ça. Premièrement, c'est une région qui, géologiquement, est très particulière. Il y a eu beaucoup d'érosion, mais il reste des pics de granit debout un peu partout. C'est-à-dire que ça donne l'impression de quasiment de fantômes, de spectres qui sont debout comme ça et qui ne bougent pas. L'aspect mystique un peu. Deuxièmement, c'est très embrumé comme région. Et puis troisièmement, il y a un phénomène physique qui s'explique mal, mais qui est constaté, ce qu'on a appelé d'ailleurs le spectre de Brocken. Quand on est au sommet du mont Brocken, il y a des moments où la personne qui est sur le sommet va voir son image grossie dans les nuages. C'est un phénomène physique, ça, qu'on appelle le spectre de Brocken, en physique, mais qui n'est pas très très expliqué. Mais donc, qui est vu uniquement par cette personne-là. Tous ceux qui sont en haut peuvent se voir comme grossis dans les nuages. Un gros effet spectral. Donc, effectivement, tout est réuni pour que ce soit l'épicentre de la nuit de Valpurgis. Dites-moi, Régis, à cette époque-là, quelle était la façon... Disons, on va faire un parallèle dans le temps, là, en s'en venant de plus en plus vers notre époque. Mais à cette époque-là, quelle était la façon de célébrer cette fête-là? Je parle au niveau d'un rituel quelconque où on parlait d'un rassemblement. Au début, même si on peut parler de rassemblement païen, parce que c'en est un... Mais ça n'a pas de connotation magie noire ni rien du tout. C'est vraiment une fête... il y a au premier millénaire relativement peu d'occasions pour les gens, on pourrait dire du bas peuple, hein, de faire la fête parce que les conditions de vie sont pas nécessairement les meilleures. Ce qui fait que quand il y a une occasion, on se réunit, on mange, on danse, on s'enivre, on fait un feu, puis on fait une fête, et puis après on rentre chez soi. Donc au début c'est quand même relativement anodin. C'est quasiment d'ailleurs ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est un peu redevenu comme ça. Mais entre-temps, évidemment, il y a eu une période qui est plus noire, où là, les festivités avaient également pour but de pratiquer de la sorcellerie, de créer des sortilèges, d'entraîner toutes sortes de choses. Donc là, c'est une période un peu plus sombre, effectivement. C'est précisément la période qui nous intéresse beaucoup ce soir, cette période sombre-là de la nuit des Valpurgis. On a parlé de sorcières, on a brièvement mis le terme de sorcière. Est-ce qu'on associe cette nuit-là à d'autres manifestations de, entre guillemets, créatures maléfiques? Théoriquement, oui. Alors, comme toujours, est-ce que c'est authentique ou pas, ça? On le saura jamais. Mais du moins, théoriquement, oui, puisque les êtres humains se réunissent dans ces endroits-là, entre autres le Brocken, avec pour intention d'invoquer un certain nombre d'esprits. On invoque des esprits mineurs, c'est-à-dire ce qu'on appellerait des démons familiers. De bas étage, on peut dire. Qui sont pas très très méchants, mais qui sont des petits démons quand même. Qui ont quand même un peu plus de puissance que le mortel. C'est ça. C'est tout ce qu'on a appelé dans toutes les mythologies, les farfadets, les trolls, ces affaires-là. Mais l'objectif, c'est évidemment de faire venir le maître en personne. La plupart du temps, c'est Léonard qui prend la forme d'un bouc. Goya a représenté ça très bien, d'ailleurs, le bouc assis avec les sorcières. Effectivement, autour. Donc, c'est habituellement sous forme d'un bouc que le maître se présentera s'il daigne venir. Mais on fait venir ces créatures-là dans un but particulier, j'imagine. Obtenir des pouvoirs supplémentaires, obtenir des faveurs, des choses comme ça. Oui, obtenir des faveurs et grossir le cercle des personnes. Adoratrice du diable, appelons ça très simplement comme ça. Parce qu'un nouvel adepte doit être présenté au maître pendant un sabbat. On peut pas rentrer comme ça. J'imagine. Par la petite porte. C'est un décorum à respecter. C'est ça, il faut quand même être, entre guillemets, parrainé, là. Pour rentrer là-dedans. Et il faut que le maître du sabbat, donc, vous accepte là-dedans. Alors, c'est un peu à ça aussi que sert le sabbat. Cette cérémonie-là, dans l'époque où on se situe présentement, est-ce que... comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'était craint par les non-initiés? Si on parle des gens, des villageois qui vivaient autour d'où se pratiquait la cérémonie, est-ce que c'était une nuit qui était crainte? Parce qu'on parle de regroupements de sorcières qui invoquaient le diable, des choses comme ça. Est-ce que ça créait une certaine panique, une certaine terreur? Oui, ceux qui... Il y avait, si vous voulez, dans les villages aux alentours, il y avait en fait, on pourrait dire, trois sortes de personnes. Il y avait ceux qui étaient directement concernés parce qu'ils se rendent au sabbat. Il y a ceux qui étaient directement concernés parce qu'ils les pourchassent, oui, éventuellement des membres de l'Inquisition. Mm-hmm. Et puis, il y avait probablement la majorité des gens, c'est-à-dire ceux qui savent que ça existe, mais qui veulent pas en entendre parler. Oui. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour bien d'autres choses. Oui, effectivement, dans l'humanité, oui, hein, c'est ça. Comme les villageois qui habitaient à côté des camps de concentration nazis. Ouais. Même chose. Ils savaient très bien que ça existait, mais on veut pas en entendre parler. Mm-hmm. Et là, y a des gens, effectivement, qui ne veulent pas en entendre parler et qui vont se terrer chez eux. Parce que pendant cette nuit-là, y a toutes sortes de créatures, possiblement, mm-hmm, qui se promènent un peu partout. Et en plus, on sait que quand les membres du sabbat reviennent de leur fête, c'est parfois, dans la tradition, sous forme animale. C'est-à-dire que même peu avant le lever du jour, il est très dangereux de se promener parce qu'on va croiser énormément de loups, par exemple, qui sont en fait des sorciers qui reviennent, okay, sous forme d'un loup chez eux. D'accord. Donc effectivement, il y a une crainte dans la région et on se terre et puis on se signe, etc. Là, en attendant que ce soit fini. Je me suis intéressé à plusieurs mythes, si on veut. Entre autres, un qui est du vampirisme. Et puis, à peu près, donc, situé dans les mêmes années, si on veut, ceux qui craignaient le plus qu'un de leurs défunts revienne sous la forme de vampire. On prenait certaines dispositions quand on le mettait en terre. Exemple, on pouvait leur mettre une pierre sur la poitrine, on pouvait même les clouer dans le fond du cercueil, des choses comme ça, pour les empêcher de ressortir en sous forme de mort-vivant. Est-ce que on parlait tout à l'heure des inquisiteurs, mais est-ce qu'il y avait des mesures qui se prenaient pour empêcher que cette célébration-là se fasse? Est-ce qu'on avait vraiment mis à ce moment-là une forme de police, si on veut, qui interdisait? Est-ce que ça devait se faire dans une forme de secret, j'imagine? C'était très secret et effectivement, il n'y avait pas de on pourrait dire de garde forestier ou de garde champêtre nocturne à la chasse de tout cela. Ça ne s'est pas fait. Ce que l'Inquisition attendait, c'était les dénonciations. Et à partir de là, aller arrêter des gens qui avaient été soi-disant vus au sabbat, etc. Okay. Et les dénonciations, bien entendu, il y en avait, parce que c'était aussi un moyen de régler ses propres comptes avec un voisin qui nous doit des sous et qui nous le rend pas. Ça aussi, l'histoire en est pleine. Hein. Ouais, les gens ont dénoncé des voisins juifs pendant la guerre pour les faire déporter. Pendant la Révolution, on dénonce son voisin qui a pas voulu donner sa fille à marier et puis on l'envoie à la guillotine. De l'histoire est toujours la même. Alors l'Inquisition pouvait tabler là-dessus, puis effectivement, ça marchait très bien. Mais, ouais, en fait, je pense que le typiquement, à la base, tout ce qui était Inquisition a été basé sur un esprit de vengeance pur et simple. On s'attardait pas vraiment aux faits, on s'attardait plutôt à ce qu'on voulait obtenir en bout de ligne. La base de l'Inquisition, et c'est curieux parce que je prenais une comparaison avec le Troisième Reich, mais c'était un peu la même démarche. La base de l'Inquisition, c'est mettre de l'ordre dans l'Église, initialement, et non pas dans la population chrétienne. Je crois que ça a dégénéré rapidement. Et ça a dégénéré après, tout comme le Troisième Reich avait pour but, les premiers camps de concentration étaient pour des Allemands, c'était pas pour ouais, quelqu'un d'autre. Ben, bon, c'est sûr, ouais. Et ça c'est ensuite, évidemment, ça a dégénéré. Mais la démarche est un peu similaire. La nuit des Valpurgis... En fait, Valpurgis, juste comme ça, l'étymologie de ça, là, on a parlé tout à l'heure que ça venait de Sainte Valpurge, je crois, mais le gis qui vient après signifie quoi exactement? C'est probablement de l'allemand, parce que en allemand, ça va être Walpurgisnacht. Ah, ok. Alors, on a traduit ça par Valpurge, mais en français, on dit même Vaubourg, des fois. Ah oui. Dans un mot complètement relativement éloigné quand même. Ouais, ben disons une consonation. C'est ça. C'est probablement par le Walpurgisnacht que le terme est resté comme ça. Un terme qu'on retrouve dans des romans, dans des films, dans des pièces musicales. Il y a beaucoup de beaucoup d'auteurs célèbres qui sont inspirés de ça, entre autres Goethe. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'endroit où ça se célébrait, qu'il y avait les fameux pics de granit qui donnaient l'impression d'être des ombres fantomatiques, des choses comme ça. On a encore en Angleterre le fameux Stonehenge, qui est encore considéré comme un endroit qui est de magie, de culte, qui est très mystérieux. Est-ce que le lieu où se pratiquait à l'époque, la nuit des Valpurgistes, avec ses fameux pics rocheux et ainsi de suite, est encore considéré comme un lieu de culte particulier, en fait, au même titre, un petit peu en parallèle que Stonehenge? Je pense que ça l'est moins. Stonehenge, c'est connu mondialement. Oui, c'est ça, c'est différent. Mais je crois que l'avantage qu'aurait Stonehenge sur Valpurgis, c'est que Stonehenge, c'est un endroit, on peut dire, mystique, peut-être paranormal, même si le mot me paraît bizarre. Il n'y a pas de paranormal, il y a du normal où il y en a qui ne l'est pas. Il n'y a pas de l'à côté de normal. Ouais, il n'y a pas de zone grise vraiment. Mais je pense que Stonehenge, c'est un endroit qui est très populaire, aussi parce qu'il n'inquiète pas. Ah! Okay. On peut visiter Stonehenge, c'est pas un haut lieu de la magie noire. C'est un lieu mystique. Mais en fait, c'est pas vraiment défini, hein. C'est ça, mais on c'est pas étiqueté comme tel. Valpurgis, c'est un haut lieu de la magie noire. OK. Donc, aller s'y promener, oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne le feraient pas. Ah oui. Simplement parce que c'est un haut lieu comme ça. Moi, j'ai connu, quand j'étais en France, il y avait des endroits, dans les Vosges, hein, les massifs des Vosges, dans l'est de la France où je suis né, il y avait des endroits qui encore portaient un poids à cause des sabbats au Moyen-Âge et de gens qui n'aimaient pas du tout aller se promener dans ces coins-là. Il y a des forêts entières où il y avait eu beaucoup de sabbats en Haute-Marne et j'ai connu moi-même des gens qui, si vous me passez l'expression, il est 11h30, mais qu'en voiture, s'ils avaient envie de pisser, là, ils ne s'arrêtaient pas dans le bois pour pisser dehors. Ah non, à ce point-là. Oh oui, le bois de Darnay, c'est une forêt où les gens, encore aujourd'hui, beaucoup ne veulent même pas s'arrêter. Mais Régis, est-ce qu'on parle à ce moment-là de comment je pourrais dire, de croyances, de comment je cherche le terme, Alain, on dit être superstition ouais. Qui a vraiment qui a dégénéré un petit peu. On parle aussi peut-être de, je sais pas, je voudrais pas être arrogant en le disant, mais peut-être un petit peu d'ignorance par rapport à ça. Forcément. Hein, et c'est une ignorance qui est exploitée, bien entendu. Les gens qui vont vouloir, c'est le même problème partout. Quand quelqu'un fait la promotion d'une maison hantée, c'est exploiter une forme d'ignorance pour à la fois attirer du monde. Et c'est ça. Donc le Brocken, c'est un peu ça. C'est un endroit où effectivement la tradition est très lourde, la superstition est entretenue. Donc il y a un côté, si vous voulez, psychologie humaine, qui fait que bon, on hésite un peu à aller dans certains endroits. Ça, c'est peut-être le côté rassurant de se dire qu'il y a une psychologie humaine. On a dit qu'il s'est passé plein de choses, donc ça fait peur, on n'y va pas. Il y a une autre hypothèse, qui n'est pas exhaustive non plus d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les effluves en parapsychologie. Okay. Les effluves, ce sont des... Comment pourrait-on dire ? C'est une espèce de matérialisation de pensées ou d'événements. Même les scientifiques n'excluent pas que ça puisse exister. C'est non mesurable, c'est non quantifiable. Mais il y aurait peut-être une accumulation dans certains endroits, une accumulation de pensées, de prières éventuellement. Pourquoi est-ce qu'à Lourdes, il s'est produit plus de miracles qu'ailleurs ? C'est parce qu'il y a des millions de personnes qui prient dans la même place. Et les parapsychologues considèrent que les effluves, c'est-à-dire la concrétisation de ces pensées-là, peut être perçue par certains. Les bonnes, mais aussi les mauvaises. Donc on pourrait très bien arriver sur le Brocken une nuit de Valpurgis, et pour certains d'entre nous, percevoir par ce sens-là, percevoir la réalité de la menace qui pendant des siècles a pesé là. Une forme de rétroaction? Oui. Oui, tout à fait. On prend une pause publicitaire, puis on continue justement sur ce sujet-là, tout ce qui peut être la rétroaction, justement, de tout cet effet condensement au fil des siècles qui pourrait avoir une répercussion sur cet endroit-là et sur, finalement, l'événement des balles purgistes. On revient dans quelques minutes. Rap Hydroponique vous offre ses spéciaux pour le mois d'avril seulement. Granules à dissolution lente, Heavy Harvest, 20 kg, seulement $74.95. Trois phases disponibles. Le Pro Mix Ballot 107 litres, $18.95, grade professionnel. Jiffy 2 pouces, $74.95, boîte de 1000. Jiffy Medium, $129.95, boîte de 2000. Jiffy Petit, $95.95, boîte de 1700. Jiffy de coco, $74.95, boîte de 1000. À noter que pour les produits Jiffy, la taxe est incluse. Rap Hydroponique, l'inventaire le plus imposant en Mauricie et offrant les meilleurs prix garantis. Si vous avez des problèmes ou des questions, Rap a la solution. Rap Hydroponique, 326 rue Vachon, secteur Cap de la Madeleine. Rap Hydro, souvent imité, jamais égalé. Si vous rencontrez une personne qui a la fibrose kystique, vous ne vous rendrez peut-être pas compte qu'elle est atteinte d'une maladie génétique mortelle. Parce que c'est de l'intérieur que la fibrose kystique tue. La fibrose kystique empêche les personnes atteintes de respirer normalement en détruisant graduellement leurs poumons. C'est la façon dont elles vivent et meurent. Pour en savoir plus, visitez fibrosekystique.ca et donnez-leur le souffle de vie. Samedi 3 mai, Radio Radio débarque à l'Embuscade. Dès 21h30, joignez-vous au party de Radio Radio. Billets à la porte, seulement $5. Radio Radio à l'Embuscade, un spectacle à ne pas manquer. 1571 du Bado, Trois-Rivières. C'est fou dans vos oreilles, On est de retour avec Monsieur Régis Hollery et bien sûr le Rockmaster Alain Lefebvre qui ne parle pas beaucoup, mais je crois qu'il... Je suis subjugué. Ben voilà, c'est le terme approprié. Régis, on a, juste avant la pause, on a parlé de d'un effet qui, moi, me captive énormément. Parler de cet afflux, bon, que ce soit un condensé de prière ou quoi que ce soit, bon, qui peut avoir et qui peut provoquer un effet. On a parlé aussi, bien sûr, de ce qui peut être un effet rétroactif de justement cette masse de... En fait, si on parle de rites ou de choses comme ça, qui peuvent être ressentis ou, en fait, je dirais pas jusqu'à revécus, là, mais en fait, qui ont peut-être donné une certaine impression revécus aussi par certains, je pense, sans aucun doute. Ah oui? Ah oui, tout à fait. On sait qu'il y a des gens qui, par exemple, en arrivant quelque part dans une maison, dans n'importe où, là, vont ressentir et voir quelque chose spontanément, là, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Et on parle d'événements ici qui se sont produits dans le passé. Dans le passé, oui, et qui donc sont capables de recevoir et d'interpréter un message dont le substratum physique ou physiologique à l'heure actuelle est inexistant. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mm-hmm. Chaque fois que des scientifiques prétentieux ironisent sur toutes ces questions-là, je leur fais remarquer qu'au Moyen Âge, là, vous prenez un aimant puis vous déplacez des clous. Et puis, on vous emmène à l'Inquisition. Ouais, depuis, on sait ce que c'est que l'électromagnétisme. Ouais, effectivement. Alors, dans deux ou trois siècles, on saura peut-être très bien ce que sont toutes ces choses-là. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ouais. Alors, on peut les ressentir. Ça, c'est connu. Ça arrive à beaucoup de gens, sans avoir aucune volonté, d'ailleurs, que ça vous arrive. Ouais. Mais ça peut probablement aussi s'utiliser par certaines personnes. Bon, ça, je le pense aussi. Ah, j'en suis convaincu. Mais si on parle de ces sabbats qui ont eu lieu, on parle ici, bien sûr, d'un regroupement de sorciers et sorcières qui avait un point commun, c'était de faire venir le maître du mal. On s'entend. On s'entend que si on parle de maître du mal, j'imagine que tout ce qui était, les énergies qui étaient concentrées, qui étaient mises, conjuguées au niveau des efforts pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'était dans le très négatif. Ben, la plupart du temps, oui. C'était provoquer de la grêle sur des récoltes de quelqu'un qu'on n'aime pas. C'était provoquer des maladies chez quelqu'un dont on voulait se débarrasser. C'était ce qu'on appelait nouer l'aiguillette, c'est-à-dire rendre un homme impuissant. Ok. Il y avait toute une procédure assez connue pour faire ça. Effectivement, à la base, c'est ce qu'on appelle la magie noire versus magie blanche, qui elle est plus, on vous souhaite des belles choses, plus et puis on soft, s'arrange. Voilà, oui, c'est ça. Magie noire, c'est pas ça. Alors, l'objectif, c'était effectivement d'obtenir un certain nombre de choses. Au moins, d'obtenir des pouvoirs supplémentaires dans l'objectif de les utiliser à une chose ou à une autre un peu plus tard. Oui. On n'avait pas forcément, la nuit du sabbat, des demandes précises. OK. On se faisait plus fort. OK. Comme on se fait plus fort chrétien par l'Eucharistie. Oui, oui, OK, je comprends. Le mécanisme est le même. Oui, les oui. fins sont pas les mêmes, mais le mécanisme est le même. Mais à ce moment-là, si ces sorciers, sorcières, là, appelons-la comme on veut, avaient ces rituels-là annuellement, de forme de prière, si on veut, pour obtenir ce qu'ils voulaient avoir, un pouvoir supérieur ou ainsi de suite, on peut peut-être considérer, en fait, là, on dit fictivement, là, que l'endroit où étaient célébrés ces rites-là, a peut-être été imprégné d'une forme d'espèce d'énergie négative au fil du temps. C'est ça, ce qu'on appelle les effluves. Bon. C'est exactement ça. Il en faut beaucoup. J'imagine. Il faut du temps, mais il arrive possiblement un moment où cette quantité énorme, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut être utilisable par quelqu'un. Bon, est-ce qu'on parle à ce moment-là, quand c'est, je dirais... on parle de quelque chose qui est non palpable, évidemment, mais quand c'est ressenti, est-ce que c'est possible parce que ce soit un surplus qui se déverse? Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement eu de choses qui se sont produites là, plus ou moins bonnes, on s'entend en l'occurrence de ce dont on parle, est-ce que c'est comme un déversement de surplus qui serait comme, je dirais, je trouve pas les termes exacts, mais au niveau de ce qui est notre environnement terrestre rejette, et c'est là qu'on les ressent? Probablement, mais à la condition que la personne soit réceptive. Oui, j'imagine. Il y a des gens qui, probablement, ne le seront jamais, et d'autres qui vont être capables de l'être, même pour des quantités. Le mot quantité se discute, mais des quantités d'effluves très minimes. Oui. C'est un petit peu la base de ce qu'on appelle les médiums. Un peu. J'ai de la difficulté un peu à comprendre de quelle façon on peut ressentir. Mais, par exemple, on sait qu'il y a des... c'est arrivé plusieurs reprises dans entre autres dans des cas de possession diabolique. C'est pas tout à fait le même sujet, la sorcière, c'est une possédée volontaire, ce qui gênait beaucoup l'Inquisition, d'ailleurs, ce qui gênait beaucoup, parce que entre possession volontaire et non volontaire, il fallait faire une différence, et là, ils étaient un peu mêlés. Mais on sait qu'effectivement, il y a des situations où le fait d'entrer dans un certain endroit, ou se retrouver dans un certain endroit, la personne qui pourtant va très bien puis pense à rien de particulier va prendre vraiment comme un gros coup en elle-même et d'un coup se sentir écrasée par un souvenir qu'elle n'a pas vécu, un truc a vu là, qui vient de se passer, qui va durer un quart de seconde. Je peux vous raconter quelque chose qui est arrivé à quelqu'un qui était à côté de moi quand j'habitais en Allemagne. J'étais parti avec un ami me balader un peu dans la nature, là, parce qu'on savait plus trop quoi faire de nos journées, les week-ends. Et ce gars-là, c'est un anatomiste comme moi, et d'un coup, il s'est mis la main devant la face, comme si on venait de le frapper avec quelque chose. Comme pour se protéger. Comme ça. Puis il y avait rien du tout, puis il s'en est rendu compte dans la seconde même, et il me dit, je viens de prendre une chaudière de sang dans la face, là. Hein? Puis il y avait rien du tout. Mais il était convaincu, là. Ah oui, ben il a vu ça. Puis okay. Une minute après, il se dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien. Puis c'est tout. Et sans raison. Et en fait, sans raison visible. Sans aucune raison visible. Puis j'étais à côté, donc il y a rien eu. En fait, ben après, je me suis un peu renseigné auprès de gens qui habitaient Heidelberg, et il y avait eu il y a quelques années l'assassinat d'une adolescente exactement à cet endroit-là. Alors voilà ce que c'est effluves. Okay. C'est quelque chose qui reste là. Donc, à ce moment-là, si on parle d'effluves, on parle pas nécessairement d'événements qui se sont produits vraiment loin dans le passé. Oh, c'est des événements passés. Ça peut être très récent, très lointain. Okay. Sauf que plus l'événement est lointain et plus c'est une tradition répétitive, il est ancré. Plus la quantité d'effluves, effectivement, va être forte. Quand on parle d'endroits maudits, entre guillemets, c'est ça. Ah oui. C'est pas quelque chose de psychologique. C'est un petit peu dur, peut-être, à... C'est une réception d'un stimulus dont la nature, à l'heure actuelle, n'est pas connue. Parce que le problème, c'est que là, vous comprenez qu'on mélange les dimensions temporelles. Ouais, si on perçoit aujourd'hui quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans, ouais. On se retrouve dans la 4e dimension. Là. Ouais. Puis là, on part dans des choses assez compliquées. Mais le fait est qu'il y a des évidences de cela. Alors, pour les interpréter, eh bien... Ouais, ça, on verra bien. Effectivement. Comme vous disiez tout à l'heure, on peut peut-être attendre encore 300 ans, avoir des réponses à ça. D'autant plus que, vous savez, le problème de tous ces phénomènes, c'est vrai pour les phénomènes de sorcellerie, entre autres, c'est que on établit la réalité de quelque chose que sur la base scientifique. La société s'est construite autour de ça. C'est bien, c'est pas bien, ça, c'est un autre débat. Oui, oui. Or, la réalité scientifique, c'est quoi? C'est la reproductibilité d'un phénomène. Mm-hmm. On vérifie que ce phénomène est vrai, oui, en le reproduisant. Exactement. Bon. Oui. Les phénomènes paranormaux sont aléatoires et non reproductibles. Oui. Par définition. Mm-hmm. Donc, la démarche scientifique ne peut pas s'adapter à leur étude. Entièrement d'accord. Ce qui fait que là, on est dans un cul-de-sac. Il faut une autre démarche que la démarche scientifique. Oui, effectivement. Mais une autre démarche que scientifique ne sera pas reconnue comme efficace, respectable, ouais, etc. C'est ça. Alors voilà pourquoi on est un petit peu dans, bon, un petit peu dans un cul-de-sac là. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que ça devient un petit peu complexe tout ça à un moment donné d'être capable. Mais comme vous l'avez dit, ce sont des trucs qui se reproduisent de façon en fait aléatoire ou c'est pas prévisible. Donc non, a priori, ça ne se programme pas. C'est un peu pour cela, si vous voulez, que quand on voit des fois des parapsychologues, médiums, des voyants ou tout cela. On va les rencontrer et puis ils vous disent ce qui se passe. Ça tient pas debout. La personne ne peut pas contrôler. Je vous reçois et je vous dis maintenant ce que vous voulez savoir. Mm-hmm. Un vrai médium, parce que ça existe, les vrais médiums existent, c'est évident. Ce que ça veut dire, on verra bien un autre jour. Mais un vrai médium, il ne peut pas volontairement chercher quelque chose. Okay. Il va recevoir en pleine face, pendant son repas, pendant la nuit. C'est un récepteur. C'est un récepteur. C'est pas un décideur de ce qu'il doit recevoir. Ça, c'est les vrais médiums. Les autres, je mets de gros doutes. gros doutes. Régis, Alain, si vous le voulez, on revient un petit peu au Valpurgiste. On a ici, nous, Régis, en fait, on le sait tous, l'Halloween. L'Halloween qu'on célèbre à tous les automnes, qui est notre fête ici, du moins célébrée pas mal partout en Amérique du Nord, qui est la nuit où les mauvais esprits ont libre cours à faire leurs mauvaises blagues et bon, ce qui est devenu aujourd'hui, je le conçois fortement, une fête beaucoup plus commerciale. Mais à la base, c'était un peu la nuit où tout pouvait arriver. Aujourd'hui, on le célèbre encore d'une façon différente. Mais les Valpurgistes, est-ce que c'était un peu le penchant de notre Halloween? Probablement. C'est un peu la même chose. Il est probable que le Valpurgiste ait une origine plus ancienne, qui remonte beaucoup plus loin. Okay. Autrement, le principe est un peu le même. On disait tout à l'heure, dans les quatre sabbats, il y a celui du 30 avril qui est important, oui, mais il y a celui du 31 octobre aussi. Oui. Donc, en fait, c'est un peu l'équivalent. Alors, curieusement, sur l'Halloween, qui est très nord-américain, peut-on dire. Oui, tout à fait. Mais juste avant la guerre de 40, mon père me racontait que quand ils étaient jeunes à l'école, au mois d'octobre, ils allaient allumer des citrouilles près des écoles de filles pour leur faire peur. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qui a eu aussi une existence plus discrète, là, mais qui a eu une existence en Europe également. Je me suis toujours demandé pourquoi on avait choisi les citrouilles. Je sais pas pourquoi. Parce que initialement, un fruit, ça doit pas avoir une connotation très evil, là, mais bon. Mais effectivement, bon, peut-être parce que c'était gros, ça se visait bien. Gros, ça se sent n'importe quoi dedans. Mais présentement, la nuit des Valpurgistes, typiquement en Europe, est-ce que c'est une fête qui est encore célébrée et est-ce que ça a encore autant de, je dirais, d'ampleur ou d'importance que ça en a eu il y a X temps? Ben, ça a pris une autre importance, ça s'est popularisé, ça s'est démocratisé, ça s'est aussi un peu infantilisé. C'est devenu un petit peu une fête comme l'Halloween ici, c'est-à-dire que c'est surtout des jeunes qui se déguisent en toutes sortes de choses, okay, et puis qui font un peu des conneries la nuit, qui vont aller mettre du papier hygiénique autour des arbres. C'est devenu un peu plus, je dirais, plus anodin. Donc plus suivi, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui le font que dans le temps, mais c'est une fête, bon, c'est une fête tout à fait bon enfant là. Il y a probablement à côté de cela encore des célébrations plus officielles, peut-être plus cachées, plus obscures, probablement. Okay. Ça, mais on n'en parle pas vraiment là. Est-ce que c'est une fête qui est devenue, nous on le sait, notre Halloween est devenu un petit peu plus commercialisé. Bon, on s'entend que c'est un peu comme Noël, c'est le temps de vendre des sortes de choses. Est-ce que c'est un peu la même chose? On parle qu'elle est célébrée de façon peut-être plus anodine, mais... Oh, c'est pas un coup de commerce comme l'Halloween. Non. Il y a pas, vous savez, par exemple, même au cinéma, bon, le cinéma a exploité le thème de l'Halloween pour des films d'épouvante. Il y en a eu rien qu'en masse. Oui. Alors que la nuit de Valpurgis, bon, ça a inspiré quelques films, oui, c'est vrai, mais ça a aussi inspiré, de la grande littérature. OK. Comme Goethe. OK. Goethe a écrit, sur la nuit de Valpurgis. Paul Verlaine aussi, dans ses Saturnales, a parlé de la nuit de Valpurgis. Il y en a beaucoup qui ont parlé de ça. Il l'a abordé sous quelle forme? Bah, le côté très, très, je dirais, image à la Gustave Doré. Ok, ah oui. C'est-à-dire, on monte le long du Brocken pour aller rejoindre, etc. C'est très, très, très emphatique. Très, ok, effectivement. Je lisais parce que, bon, j'ai essayé de faire quelques petits devoirs, bien sûr, pour me renseigner sur le sujet avant l'émission de ce soir. Je lisais que c'est aussi une célébration maintenant, on parle, là, en 2007-2008, une journée pour se débarrasser des choses qu'on ne veut plus. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est un peu le renouveau du printemps. OK. Quand on dit qu'on fait son ménage le printemps, c'est un peu ça. OK. Donc, effectivement, on en profite. On brûle beaucoup de choses. En Suède, par exemple, ils brûlent beaucoup de choses pendant la nuit de Valpurgis. Oui, c'est l'occasion de faire un grand feu puis de balancer. Vider son garage. Puis... C'est ça, c'est l'occasion. Donc, c'est vraiment une connotation vraiment maintenant avec le printemps, typiquement. Il y a peut-être un... Est-ce que je peux voir, il y a une espèce d'historique de cette fête-là qui était comme... perdu ou oublié un petit peu de ses racines initiales. Oui, parce que la société occidentale se dissocie de plus en plus de tout ce qui est festivité religieuse. Hein. Ouais. On se préoccupe plus maintenant du matériel que du spirituel, ce qui fait que fêter la nuit de Valpurgis, bon, ça pourrait être fêter la libération des démons, mais c'est plus simple de fêter le printemps. Ça engage moins, ouais, et puis c'est plus anodin, et puis ça concerne tout le monde, le printemps. Le diable aussi, remarquez bien. J'imagine. Mais étant donné que, de toute façon, on a compris une chose, c'est qu'initialement, cette célébration-là, appelons-la comme ça, était beaucoup plus axée vers un côté sombre, si on veut, ouais, pour tout ce qui était le sabbat des sorcières, et ainsi de suite. On a dit que, possiblement, sans vraiment l'affirmer parce qu'on ne peut pas, qu'il y a peut-être encore, à l'occasion, des regroupements plus secrets, plus qui veulent se faire discrets aussi, qui le célèbrent un peu plus de la façon de ce que c'était à l'époque, entre guillemets, sabbat. Est-ce que c'est encore un rite qui, si je me fie, pour faire un petit parenthèse, si je me fie à plusieurs, c'est un courant. Il y a plusieurs courants qui sont adaptés comme des modes de dire bon, vous parliez de cinéma tout à l'heure, bon, la sorcellerie, ces choses-là, on va voir des trucs plus gothiques au niveau des modes, au niveau des musiques, au niveau des attitudes, si on veut. Est-ce que le mouvement de sorcellerie qui était attaché au Valpurgiste connaît encore beaucoup d'engouement, ou c'est vraiment, je parle au niveau des pays plus scandinaves peut-être, oui, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment laissé dans l'oubli, ou ça a encore la cote, si on veut? Ouais, ça a une forme, même s'il n'y a pas une participation aussi, peut-être aussi traditionnelle, ça a encore une forme quand même de cote populaire, mais comme tout ce qui est au sens large rite satanique, il y a encore une élite très minoritaire, hein, mais une élite qui la pratique dans la plus pure tradition et dans le plus grand secret. Ça, les rites sataniques, il y en a encore partout. Des vrais de vrais, là. On se déguise en sorcière, puis on va danser. Mais juste une petite nuance. Qu'est-ce que vrai de vrai? Ben, vrai de vrai veut dire simplement que on suit à la lettre les consignes du code, des grimoires qui existaient à l'époque. Okay. On suit à la lettre, par exemple, bon, la clavicule de Salomon, la poule noire, le dragon vert, etc. Tous ces bouquins là qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, des vieux livres. Ça veut dire que on a un code de fonctionnement qui peut être très agressif pour ceux qui en sortent. Ok. Ça n'exclut pas non plus, évidemment, ça. C'est très difficile de le prouver, mais il y a quand même des fortes présomptions que les sacrifices humains existent encore dans ces rituels-là, à certains endroits. Ouais, j'imagine. C'est pas exclu du tout que ça existe encore. Alors, c'est ça ce que je voudrais dire, les rites sataniques vrais de vrais. Okay. C'est-à-dire ceux qui font pas dans la dentelle, quoi. si on peut dire comme ça. Oui. Mais ça, c'est élitiste, par contre. C'est très élitiste. Okay. Ce n'est pas populaire du tout. Non, j'imagine. Parce qu'il faut des personnes qui ont tout de même, même si on peut prendre ça pour des fous, il faut des personnes qui aient une stabilité énorme pour être dans ce genre de choses, pour être capable de le garder secret, pour être capable de fonctionner dans un milieu comme ça. C'est pas n'importe qui, quand même. On vient de parler du côté outsider, si on veut, des gens qui sont très, entre guillemets, encore une fois, puristes de ce qui peut être ce rituel de sabbat. Vous nous disiez tout à l'heure que dans les régions immédiates où se pratiquait, en fait, on parle vraiment du territoire immédiat où se pratiquaient les rites du sabbat, du valpurgiste. Aujourd'hui, certaines gens n'iront pas de gaieté de cœur la nuit, s'aventureront pas. Ah, encore aujourd'hui, c'est sûr. Bon, est-ce que en contrepartie, des gens en tirent justement parti au niveau, je dirais, attrape touristes ou ces choses-là, de dire voici des reliques qui appartiennent. Effectivement, hein, l'un va toujours avec l'autre. Il y a quelques attrape-nigauds comme ça. Je sais pas si ça existe, mais on pourrait même imaginer qu'il y ait des forfaits pour passer la nuit. Oui, c'est ça. Dans une tente de camping, dans le Brocken, et puis que ça vous coûte $300. Et il y en a qui marcheront. Ouh, ça, c'est, ouais. Malheureusement, ça suit le, ça suit le phénomène. Non, parce que la question était parce que je sais qu'il y a des endroits qui vont être comme, on parlait tout à l'heure de Stonehenge. Il n'y a pas question d'aller camper à Stonehenge, là. On s'entend. Il y a des endroits qui deviennent comme, tout en étant, en ayant la connotation de peur, un petit peu, qui deviennent comme un peu monuments sacrés. Et il n'y a pas question d'exploiter ça d'une façon ou d'une autre, là. On s'entend, les pyramides d'Égypte, ça a été exploité pas à peu près, là. Mais il y a des endroits qui sont vraiment, ça a son histoire, on n'y touche pas. Mais bon, vous confirmez que c'est peut-être pas le cas aussi. Non, parce que en plus le Stonehenge là, c'est, on pourrait dire, je sais pas comment on appelle ça dans là-bas, mais ça pourrait être un patrimoine national, c'est-à-dire que c'est un monument historique. Ouais, okay. Il y a une histoire, donc il faut protéger. C'est comme les pyramides, comme le château de Versailles, etc. Ce sont des monuments qu'il faut protéger. Donc d'accord. Effectivement, on va pas faire de camping ou d'hôtel à proximité. Là. Le Brocken, c'est pas une zone considérée comme monument national. OK, mais quelqu'un, un touriste, moi, exemple, je me rends en Allemagne, je vais aller voir le Brocken, est-ce que ça va être mal perçu pour moi de demander de le visiter? Oh non. Pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Oh non, il y en a qui vont rire, il y en a qui vous diront, oh, vous verrez rien, c'est des conneries. Okay. Il y en a qui vont essayer de vous faire peur, il y en a... c'est tout un mélange d'attitudes, là. Si on y va pour y rire, on n'y verra rien. OK. Ça, c'est fort probable, comme toujours. Donc, dans le fond, tout va avec l'attitude aussi. Oui. Effectivement. Est-ce qu'on est ouvert à certaines choses ou est-ce qu'on l'est pas? Hein? Je pense que oui. Les valpurgistes, on a quand même vu que c'était une fête païenne qui, évidemment, comme toute fête, toute célébration, au fil des siècles, s'est légèrement transformée. Mais il reste une chose, c'est que elle est toujours célébrée de façon différente, mais elle fait partie quand même des mœurs qui sont encore au cœur des préoccupations des habitants. En Finlande, c'est une des trois ou quatre fêtes de l'année les plus importantes. Les plus importantes. Ah oui, les plus courues, les plus... Ah oui, tout à fait. Et il y a même une tenue, c'est sur beaucoup d'étudiants qui fêtent la nuit de Valpurgis en Finlande. Okay. Ah oui. Et ils ont la tenue d'étudiants pour le... C'est comme une tradition pour cette nuit-là. Ils boivent un alcool particulier, parce qu'évidemment, qui dit festivité... dit un peu se faire tourner la tête. Oui, oui, oui. C'est l'alcool maintenant, c'était les alcaloïdes à l'époque des sorcières, hein, okay. Les sorcières qui se faisaient des onguents avec des plantes qu'elle trouvait dans la nature, genre la belladone ou la jusquiame noire. Et on sait très bien que ces plantes-là, en décoction, libèrent des alcaloïdes qui sont, c'est des substances hallucinogènes. Hallucinogènes, ouais, c'est ça. Donc, quand les sorcières se prenaient leur onguent, leur pommade, s'en mettaient sur elles pour voyager sur leur balai, eh ben, tous les alcaloïdes pénétraient par voie transcutanée. Mm-hmm. Et effectivement, il y a des sorcières qui ont juré honnêtement avoir volé sur leur balai à cause des substances qu'elles se sont involontairement injectées dans le corps. Oui. Aujourd'hui, c'est l'alcool. OK. Bon. Ben, moi, j'imagine que c'est comme le reste, ça se transforme. C'est ça. Ben, écoute, Alain, je sais pas si toi, t'avais des choses qui étaient encore des interrogations pour toi. Moi, je pense juste que celle-là, en fait, personnellement, ça l'a bien répondu à ce qui était mes interrogations au niveau de ce qui était cette célébration, cette fête, les Valpurgistes. Dommage qu'on n'ait pas été la vraie journée, mais on l'a juste devancé. On va devancer d'une journée pour se préparer pour demain. Ben, exactement, vous avez entièrement raison. Comme ça, les gens sauront demain qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Oui, exactement. De toute façon, c'est rediffusé demain soir. Oui, c'est ça. Ben, en fait, exactement, t'as raison. Donc, on pourra vraiment se mettre dans l'ambiance demain et peut-être même, si nous passe vraiment un gros coup de tête de monter jusqu'au Broken. Régis, c'était un grand plaisir de t'accueillir ce soir. Je te remercie beaucoup. Je sais que l'heure était pas nécessairement la meilleure, pour te déplacer. Non, mais c'est une heure pour ça. Ça prenait ça. Ben oui, ça prend ça. Merci beaucoup. Ben, de rien, ça fait plaisir. Et puis, t'es tellement intéressant que je vais sûrement récidiver pour l'invitation pour un autre sujet. Oh, les autres sujets. Oh, ben oui, il y a tellement de sujets à discuter. Comme disait le maréchal Foch, il n'y a pas de gens cultivés, il y a que des gens qui se cultivent. Et tout à fait. Exactement. C'est toute la nuance, là. Alors, oui. On a encore du travail à faire. Merci beaucoup. De rien, ça c'était fait plaisir. Très intéressant. Merci, Rockmaster. Ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Et puis, tant qu'à moi, je vais être au poste de réanimation mardi prochain dès 21h pour une émission qui devrait, toute vraisemblance, être une émission irrégulière. Quoique, présentement, les émissions spéciales se font de plus en plus régulières. Donc, on va se laisser avec une dernière pause publicitaire et puis après ça, on va laisser le soin de notre ami DJ Slide de faire le reste pour la nuit. Donc, merci Régis, merci Alain, et puis à la semaine prochaine. Soyez prudents. Oh, certes, oui.